au fait. C'est la France qui nous a colonisés, mais c'est la France qui ne fait rien pour nous. Ouais. Mais nous, on va faire pour la France. Ouais, nous, on va faire pour la France, Inch'Allah. C'est ça, Booba a chanté. Hein. Il dit, nous, on vient d'un bateau, oui. Mais on s'en va d'avion. Voilà, on voilà. va donner à la France, voilà. Les combler Pogba. Moi, je les... dis la vérité. Hein. Hein? Si ce n'est pas nous, les Africains, la France n'avance pas. C'est nous, en fait, penser la France, là. C'est la France qui nous veut avancer, quoi. Au fait, c'est ça, ils ne comprennent pas toujours, quoi. Voilà. Mais M. Macron, je vous dis directement, c'est moi. Voilà. Parce que moi, je vous dis une chose, c'est vrai que vous ne nous avez pas donné papier quand on donne dans la rue, c'est vrai. Mais aussi, la population de la France est fou de nous aussi. Ils sont racistes envers nous. Voilà. Nous, on est polis. Hein. Quand tu dis bonsoir, madame, il croit que tu vas voler son téléphone. Voilà, oui, t'as raison. T'as vu, monsieur. Mais si là, c'est vrai qu'on souffre, hein. Mais nous, on a vécu la souffrance avant d'arriver en France. C'est pas maintenant que nous, on a commencé à souffrir. Non. On a commencé à souffrir depuis au pays, depuis au bas âge, M. Macron. M. Macron nous a dit, si tu viens en Europe, tu vas aller à l'école. Depuis à l'âge de 11 ans ici en France, hein. Aujourd'hui il y a 17 ans, il n'a jamais vu l'école. Dommage. Et c'est, est-ce que c'est vrai, égalité, fraternité, liberté, c'est la vérité? Et puis tout ce temps, il est dans la rue. Hein. Dans la rue, c'est moi qui ai choqué ma part jusqu'à aujourd'hui. Je m'en vais à la préfecture, il a donné mon papier, il m'a dit qu'il ne peut pas me donner mon papier. France. ZB France, voilà. Et je suis tout. Mais ça, ça va venir un jour, monsieur. C'est vrai que tu ne me connais pas, monsieur. Un jour, tu vas voir, moi, je vais prendre la Ligue des Champions ici. Et puis, c'est moi qui a parlé de ça.